Alors, comment direz-vous « je l'achète » ? Compro. Je l'achète. Ah oui, lo compro. Oui. En revanche, si on dit lo compro, là, ça veut dire il l'a acheté. Il l'a acheté ou elle l'a acheté. Ou encore, vous, usted, l'avez acheté. C'est le passé simple plongeoir. Il y a donc une grande différence entre lo compro et lo compro. Donc, pour les passés des verbes en ar, on passe de e à o. De e à o. Et pour les autres verbes, les verbes en er et ir, comme vender, par exemple, pour dire j'ai vendu, sans plongeoir, c'est vendi. Donc, non pas e, mais i. Juste un i, accent aigu, vendi. Et avec il, elle, usted, c'est yo. I, O, accent aigu. Donc, pour le passé des verbes en ar, c'est E, E, O. Et pour les autres verbes, I, E, Yo. Alors, je suis sorti au passé sans plongeoir, se dira Sali. Sali, oui. Et il est sorti, ou vous, usted, êtes sorti, toujours sans plongeoir. Salio. Salio, d'accord. Et j'ai compris, sans plongeoir. Comprendi. Comprendi. Et il ou elle a compris, ou vous, usted, avez compris, toujours sans plongeoir. Comprendio. Comprendio. Donc on a e et o pour les verbes en ar et i et io pour les autres verbes. C'est comme un rythme de cha-cha-cha. E-e-o, i-e-yo. E-e-o, i-e-yo. Vous pouvez le chanter. E-e-o, i-e-yo. Allez-y. E-e-o, i-e-yo. Voilà. Et de cette manière, vous ne l'ouvrirez pas. E-e-o, i-e-yo. E-e-o, i-e-yo. Cha-cha-cha. Voilà. Donc ça, c'est le passé. E-e-o, i-e-yo. Alors, il l'a vendu, au passé sans plongeoir, se dit Lo vendió. Lo vendió, oui. Et je ne l'ai pas vendu, sans plongeoir. No lo... D'accord. Vendí. Oui, c'est bien ça. Vendí. E-e-o, i-e-yo. E-e-o, i-e-yo. C'est un air sous lequel vous pouvez danser. Je l'ai acheté. Au passé sans plongeoir, se dit Lo compro. Je l'ai acheté. Ah, lo compré. Lo compré. Et pourquoi est-ce que vous, usted, ne l'avez pas acheté, toujours au passé sans plongeoir? Por qué no lo compro? Bien. Por qué no lo compro? Et pourquoi est-ce que vous l'avez vendu? Là encore, la question s'adresse à usted et à la forme simple du passé espagnol, donc sans plongeoir. ¿Por qué lo vendió? D'accord. ¿Por qué lo vendió? Et je ne l'ai pas vendu, sans plongeoir. Je ne l'ai pas vendu. No lo vendí. Bien. No lo vendí. No lo vendí. Et pourquoi est-ce que vous l'avez vendu? Toujours sans plongeoir. Por qué lo vendí? Ça, c'est pourquoi est-ce que je l'ai vendu. Ah oui. Por qué lo vendió? C'est ça. Por qué lo vendió? Et maintenant, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vendu? Sans plongeoir. Por qué lo vendió? Ça veut dire pourquoi est-ce que vous l'avez vendu? Ah oui, donc, ¿por qué no lo vendió? Oui, ¿por qué no lo vendió? Vendió.